Document D, chapitre 8e, Les dynasties assassines, Mikhaïl Fiodorovitch Lyapunov, essai. 9. Tokaristan. Les Tokaristanais sont issus d'un peuple indo-européen d'Asie centrale, ayant habité le bassin du Tarim, dans ce qui fut jadis le Turkestan oriental, le Xinjiang chinois actuel. Les voyageurs du Levant les appelèrent Tokars ou Tokariens en fonction des époques et des traductions. C'est en 1980, dans l'ouest de la Chine, que la découverte de momies d'hommes de type européen, vieilles de 4000 ans et portant des tartans, a jeté un très intéressant éclairage sur le lointain passé des Tokariens. Peuple souche de l'humanité, les Tokariens s'avèrent être issus de la dernière peuplade celtique établie tardivement en Chine et la dernière à l'avoir quittée il y a 3 millénaires. Ce fut à cette époque qu'ils s'installèrent en Bactriane, alors province de l'Empire perse. Puis, lorsqu'Alexandre le Grand arriva jusqu'à eux dans sa folle conquête du monde, c'est une Tokarienne qu'il prit pour épouse. Il lui donna un héritier mâle à qui léguer son empire naissant. Un pays dans le concert de l'histoire. Oxyarthès, un Tokar, satrape de Bactriane, vassal de l'empire achéménide, épousa Timosa, dont la beauté, disaient les anciens, dépassait celle de toutes les femmes de son temps. Ils eurent 2 filles, Roxane, la lumineuse, et Amestris, la maîtresse-femme. L'aînée se maria avec l'empereur Alexandre, la cadette avec le général grec Kratéros. Depuis cette date, la mythologie tokarienne prétend que les troupes d'élite de l'armée macédonienne, commandées par Kratéros, les puissants boucliers d'argent, auraient eu des descendants en se mélangeant avec les filles du pays, donnant naissance à une nation où la force et le courage des hommes n'avaient d'égal que la beauté exceptionnelle des femmes de ce peuple. Non content d'être un peuple de fiers guerriers, les Tokariens étaient aussi des paysans industrieux, des maraîchers accomplis, des mineurs remarquables et par-dessus tout d'habiles commerçants. Les Tokariens surent mettre à profit la position de Koutcha, leur capitale mythique, pour faire une ville-étape des caravanes et un comptoir incontournable sur la route commerciale qui allait de Byzance à Xian en Chine. Au IXe siècle de notre ère, les Ouïghours, peuple de langue turque, immigrèrent en masse en pays Koutchi. À son apogée, le royaume Tokar de Bactriane était aussi vaste que l'actuel Tadjikistan et démographiquement aussi peuplé que l'Angleterre à la même époque. Alors que les Tokars avaient réussi à garder leur mode de vie intact durant des générations, dans un environnement asiatique pourtant hostile, l'invasion massive des Ouïghours modifia irrémédiablement la culture et la langue tokarienne en mêlant au sanskrit des dialectes turcophones. D'un point de vue religieux, les Tokars pratiquèrent au cours des époques le chamanisme, le manichéisme, le bouddhisme, le christianisme nestorien, pour finalement se convertir à l'islam sunnite à partir du moment où les concurrents arabes battirent les Chinois en 751, ouvrant la voie à l'islamisation de l'Asie centrale. Les Tokariens se seraient probablement éteints en tant que peuple si une partie d'entre eux n'avait mis à profit l'arrivée de l'islam et l'absorption des régions de peuplement ouïghour dans l'empire turco-mongol musulman des descendants de Gengis Khan. Les guerriers et les cavaliers tokariens se placèrent au service du fils aîné de Gengis Khan, Dochi, fournissant des combattants d'élite à la Horde d'Or. Entre 1237 et 1242, ils formèrent la colonne vertébrale de l'armée mongole, dirigée par Batou, fils de Dzogchi. Les Mongols poussèrent leurs incursions jusqu'à la Pologne. Sur leur passage, ils dévastèrent et soumirent, à l'exception de Novgorod, toutes les villes russes, Kiev, Vladimir, Souzdal, Ryazan, Kolomna. Ces cités tombèrent et la moitié de la population russe fut massacrée ou réduite en esclavage. Les rares survivants fuirent vers le nord-est, dans les régions boisées entre la Volga nordique et l'Oka. Les citadelles et fortifications furent interdites durant 200 ans. Les seigneurs russes durent faire allégeance et verser un tribut au Khan mongol. Cette vassalité dura jusqu'à la fin du XVe siècle. Pour autant, la domination tataro-mongole, à l'instar de l'occupation arabe en Espagne, fut aussi une ère de progrès pour les territoires conquis. Évoquant la modernisation économique, politique et militaire dont bénéficia la Russie au sein de cet empire mouvant, le penseur eurasiste Nicolas Troubetskoy décrivait Gengis Khan en ces termes. Ce n'était pas seulement un grand conquérant, c'était aussi un organisateur hors pair. Comme tous les hommes d'État de premier plan, il ne commandait pas selon les conceptions liées aux contingences du moment, mais selon des principes plus élevés et des idées se rapportant à un système ordonné. À l'exemple de Napoléon qui, en France, estimait ne pas succéder à Louis XVI, mais plutôt à Charlemagne. En Russie, Pierre le Grand se considérait comme le digne successeur de Gengis Khan en chassant les Suédois et civilisant la nation russe. Lors de sa jeunesse aventureuse et de sa résidence prolongée en Hollande, Pierre le Grand comprit la nécessité de faire entrer la Russie dans la modernité européenne afin de créer une troisième Rome, russe et universelle. La propension à rechercher l'universalité a toujours été consubstantielle à l'idée de puissance illimitée conférée au César de la Rome antique. Voilà l'empereur tel que désirait être Pierre. Il suivait en cela jusqu'au bout la tradition byzantine de l'Empire romain d'Orient au profit de l'autocratie russe. Mais l'autocratie russe, par l'intermédiaire de Byzance, deuxième Rome chrétienne, plongeait ses racines dans la première Rome païenne et plus loin encore, à travers les siècles, dans les monarchies de l'Orient. Au bout du compte, il fusionnait avec la volonté de puissance de Gengis Khan et de sa horde d'or. La boucle était bouclée sur ce vaste territoire. Un pays dans les neiges de l'Altaï. Pour remercier et récompenser les vétérans tokariens, Batou décida de leur offrir une terre. Aux confins du khanat de Sibir, il créa dans les monts Altaï le khanat d'Arsikouchi. Membre à part entière de la Horde d'Or, les tokariens gardaient pour seigneur et maître Batou. L'état qu'on leur attribuait était composé de montagnes posées à califourchon entre la Chine, le Kazakhstan, la Mongolie et la Russie. Sur une crête, dans les nuages, loin des steppes et des oasis du pays Kouchi, qui était le point des terres connues le plus éloigné de tout rivage maritime, on attendait d'eux qu'ils deviennent des montagnards. Pas moins de 4000 kilomètres les séparaient du premier port ou de la première plage de sable fin. L'Altaï, cependant, avait tout ce qu'il fallait pour plaire à un tokar. Vertes collines boisées, paysages bucoliques, terre qui ne demandait qu'à être sortie de sa jachère immémoriale. En explorant ce territoire, les vétérans de l'armée de Batou y découvrirent plusieurs passages donnant accès à de grands cols montagneux qui ouvraient sur des horizons grandioses. Du haut de certaines cimes, on pouvait deviner en contrebas le paysage d'une Asie centrale ingrate, rue des Pelées, où vivaient des bergers guidant leurs troupeaux de moutons au milieu des loups, des ours, voire des léopards des neiges. Sur le versant le plus septentrional du massif de l'Altaï, on venait de faire d'eux les dépositaires d'un territoire vaste comme la Bulgarie, environ la surface de celui qu'ils avaient quitté pour partir à la conquête du monde. Ce pays, jadis territoire scythe, ne demandait qu'à être mis en valeur. Les forêts denses et giboyeuses, les mines à flanc de coteaux, les cours d'eau et les lacs poissonneux, les larges espaces pour l'élevage, le pâturage et le labour, constituaient tout le capital de cette contrée. Cette fois-ci, à l'abri dans ses hauteurs, les tokars ne se laisseraient pas envahir par des conquérants en mal d'empire ou par des réfugiés qui finiraient par les faire se sentir étrangers dans leur propre pays. Ce pays aurait un nom, le Tokaristan. Sa capitale, Arsikouchi, deviendrait aussi glorieuse que ne l'avait été Kouchi la pleurée. Les vétérans tokariens convièrent leur peuple à les rejoindre sur cette terre d'accueil offerte par Batou. Les plus proches, les plus aventureux, les plus désespérés vinrent. On ne quitte pas sa terre quand on a trop peu à perdre ou si peu à gagner. Moins de 15% des tokariens firent le grand déplacement. Tous les autres se fondirent dans la majorité ouïghour. Ceux qui s'expatrièrent emmenèrent avec eux de grands trésors de la culture tokar, les momies reliques des anciens, l'or, les pierres précieuses et surtout la langue et la fierté de tout un peuple qui ne pouvait pas se résigner à disparaître. Auréolée de mystère, la plus célèbre des momies Yuesha, dont le nom avait été islamisé en Yasmina, constituait l'attraction du musée d'Arsikouchi. Elle était aussi célèbre que la momie de Toutankhamon. Son pouvoir maléfique attirait des curieux et des illuminés du monde entier. Après l'écroulement de l'URSS, une foule de chercheurs se ruèrent au Tokaristan, intrigués par d'étranges lignes étendues sur plusieurs kilomètres qui traversaient le plateau de Loukok. Ces lignes avaient été réalisées à une époque très ancienne. Elles n'étaient visibles qu'à vol d'oiseau. Comment les dessinateurs avaient-ils pu effectuer des traçages aussi complexes et impossibles à voir au niveau du sol? De nombreuses explications circulèrent. Les rumeurs les plus persistantes prétendaient que, dans des temps anciens, le plateau de Loukok servait de cosmodrome aux extraterrestres. Les lignes servaient de balisage pour le décollage et l'atterrissage de leurs vaisseaux spatiaux. La classification d'INEC, conçue en 1972, qui établissait une typologie scientifique des observations d'OVNI, alimenta cette idée. On avait également découvert des géoglyphes sur le plateau de Loukok. Ses amples dessins sur le sol représentaient des griffons, créatures légendaires au corps de lion et à tête d'aigle. Le griffon figurant sur les antiques boucliers tocards, on n'estima pas que les géoglaphes fussent d'origine martienne. Toutefois, parmi les ufologues, une thèse circulait disant que les tocards avaient été l'un des peuples choisis pour des rencontres du troisième type. Le pays qui échoua à Yusup Imadedinov. Rien ne laissait prévoir que Yusup Ramazanovitch Imadedinov, depuis la mise au pas de ses cousins caucasiens, tchétchènes et daghestanais, deviendrait l'ennemi public numéro un qu'il avait servi et défendu en tant que général de l'armée soviétique. Et pourtant, à un moment, il s'afficha comme le champion de l'indépendance du Tokaristan. Comment en arriva-t-il là? Son père, Ramazan, avait été naguère l'un des exécuteurs des bases œuvres de Staline. Le petit père des peuples aimait la rudesse de ce montagnard qui pensait descendre à la fois d'Alexandre le Grand et de Gengis Khan. Il faut dire que Ramazan servait Staline avec zèle, ne s'embarrassant jamais de considérations morales. Il appelait toujours Staline Takshir, c'est-à-dire Sire. C'est le titre que donnaient les Tokars et, plus largement les Tatars, à leur sultan. Joseph Vissarionovitch Dougachvili, Staline, s'amusait de ce qualificatif respectueux qui flattait son amour-propre et qui le changeait du rituel Tovaritch, auquel il était habitué. Intégré au NKVD qui faisait office de ministère de l'Intérieur de l'URSS, mais aussi pour se conformer aux directives visant à bâtir une société athée, Ramazan, trouvant son nom trop islamique, choisit de se faire appeler Ramiz. Lorsque fut promulgué l'ordre opérationnel du commissariat du peuple aux affaires intérieures de l'URSS, numéro 00447, sur l'opération de répression des ex-koulaks, des criminels et autres éléments anti-soviétiques, Ramiz Imadedinov était sergent. Cet ordre ultra-secret tomba le 30 juillet 1937 par injonction du NKVD. Sur la base de cet ordre, transmis par Yejov, le grand patron, plus de 800 000 personnes furent arrêtées. La moitié passa par les armes, l'autre moitié partit vers les goulags ou les chantiers patriotiques. Il fallait bâtir, malgré des conditions épouvantables, dans les fronts pionniers, les axes de communication de l'Union. L'unité de Rami se vit attribuer la mission de traquer tous les individus ayant des liens avec l'étranger. Il exécuta de nombreux diplomates à la suite ou non d'un procès. Il ne se posait pas de questions, jamais. On lui donnait l'ordre de procéder à une arrestation, il le faisait. On lui demandait de tuer, il tuait. Lorsque vint le tour des agents du Comintern ou de certains anciens héros de la guerre contre le fascisme en Espagne, il effectua sa tâche sans sourciller. Il était le rouage d'une machine infernale. Il se sentait à sa place. Il avait trouvé sa place. D'ailleurs, lorsque son groupe dut débusquer et abattre les espérantophones, les philatélistes, les astronomes, il en vint à admettre que des gens aussi inutiles, bons à voler le pain des ouvriers, méritaient de mourir et de souffrir un peu. Foutus intellectuels parasites! Il s'adonna au sadisme ordinaire qui fleurit au sein des escadrons de tous les appareils répressifs. Pour ses violences gratuites et hors protocole, Igor Pozniakov, l'un de ses camarades de section, le dénonça à Yejov, surnommé le nabo sanguinaire, pour sa petite taille et sa férocité bestiale. Yejov, l'auteur du fameux ordre opérationnel, reçut Ramiz Imadedinov au quartier général de la Loubianka, le siège du KGB. Plutôt que de lui faire des réprimandes ou de le blâmer, il lui livra, menotté, son délateur. Pozniakov ne rentra jamais chez lui pour manger les pirojki que sa femme avait cuisinées tout l'après-midi. La semaine suivante, elle prit un train pour un camp de travail de l'Oural, près de Vorkuta. D'une santé fragile, elle ne passa pas l'hiver. Ramiz Imadedinov fut promu sous-lieutenant après cette entrevue avec le patron du NKVD. Durant la guerre, Imadedinov participa au massacre de Katyn et finit la grande guerre patriotique au grade de commandant. Pour avoir bien servi l'Union soviétique et Staline, son maître incontesté, après quelques années au Kremlin à protéger son Takshir de divers complots et y mettant en bon ordre un coup de plomb, il demanda à prendre congé du Void, le grand guide. En tant qu'ancien commissaire du peuple aux nationalités, Staline estima que ce fidèle des fidèles serait parfait pour diriger le soviet suprême de l'oblast autonome du Tokaristan, qui occupait l'une des extrémités méridionales de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Ramiz Imadedinov fut donc nommé à la tête du parti communiste de l'oblast et fut autorisé à rentrer avec toute sa famille à Arsikouchi. Moins d'un an après, Staline mourait. Tous les anciens collègues d'Imadedinov finirent exécutés ou déportés. Lui, bien à l'abri dans ses montagnes de l'Altaï, resta en place. Il était le Takhchir, désormais, et son fils serait un jour général de l'armée soviétique et le voïde de son peuple. Comme le disait la matrone qui servit de nourrice au petit Yusup, « bon chien, chasse de race ». Dans son petit état, Ramiz Imadedinov décida d'appliquer au niveau local les recettes de Staline. Disparition de concurrents ou d'opposants, paranoïa érigée en système, et par-dessus tout, culte de la personnalité. À Oulala, sa ville natale, qu'il hésita un temps à transformer en capitale, il fit ériger sur la place centrale son arche d'alliance. Ce monument, en forme de minaret géant, élégamment assis sur un tripode gris et blanc et haut de 75 mètres, était surmonté de la statue en or du Takhchir avec à ses pieds un chou colossal et un tournesol. Comme l'héliotrope qui tournait en fonction du soleil afin de toujours lui faire face, on voyait la statue pivoter tout au long de la journée. Ramiz s'était emporté contre l'ingénieur qu'il avait conçu et qui lui avait présenté la maquette, en lui expliquant « Voilà, président, comment fonctionne votre arche qui tourne en fonction du soleil. « Imbécile, c'est l'arche d'alliance. Dites plutôt, voici cette merveille qui fait tourner le soleil. » Issu d'un peuple de montagnards aux confins de l'Union, Ramiz Imadedinov échappa à toutes les purges, déstalinisation, débrejnevisation et même désoviétisation lors de l'avènement de la démocratie version Boris Lomakhine, celui qui fut le premier président du Tokaristan et dont le règne dura un demi-siècle, était réputé pour ses excentricités. Cet aspect doudingue faisait dire au service du KGB que cet homme n'était dangereux pour personne excepté pour son propre peuple. Parmi ses singularités, il avait décidé d'organiser au sein de la milice, puis de la garde présidentielle, une escouade de jardiniers. Le jour de la fête nationale, il défilait au premier rang, comme les sapeurs de la garde impériale napoléonienne. Chapeau de paille, bêche sur l'épaule et magnifique tablier vert en plastron, ils étaient les premiers à passer au pas cadencé devant le void. Le grand guide avait en effet une passion pour les choux. Il fit bâtir, à la manière des jardins suspendus de Babylone, des potagers géants où tous les 350 genres de choux existants dans le règne végétal furent mis en culture. Sur les 3200 variétés qui existaient de par le monde, 2200 se virent désormais produites au Tokaristan. La forêt qui recouvrait un quart du territoire national fut largement amputée, coupé et brûlé par pans entiers pour ouvrir de nouvelles terres au maraîchage des choux. Dans de grandes fermes hydroponiques, des ingénieurs agronomes venus des plus grands instituts soviétiques étaient payés à prix d'or pour améliorer les qualités intrinsèques du chou, sa texture, son aspect, sa saveur, son horrible odeur de cuisson. Chaque année fut organisée à Arsikouchi une foire internationale du chou, et pour l'an 2000, le chou du millénaire fut présenté et offert aux papilles du monde entier. Un chou exceptionnel, il fallait le nom d'un homme exceptionnel. On le baptisa donc le Ramiz Takhchir. Dès l'année suivante, il fut mis en production massive dans les terres gagnées sur le domaine sylvestre et exporté aux quatre coins du globe sous le doux nom de Ramiz impérial. Dans sa version crucifère, le Ramiz Takhchir se caractérisait par une odeur délicieuse même à la cuisson. Il avait une robe vert sombre comme la bannière du prophète et une grande taille. Lors de la présentation à la presse spécialisée, le ministre de l'Agriculture, l'un des thuriféraires du régime, annonça fièrement « Tous les tokariens bénissent ce jour. Le chou tokarien est source de notre fierté. Son goût est sans pareil au monde. Son odeur vous fait tourner la tête. » Invité à cette occasion, le président Lomakhine, dont l'humour ravageur s'enhardissait au fur et à mesure de l'éclusage de litres de vodka, déclara à Ramiz Imadedinov à la fin du repas au chou clôturant les festivités « Ramiz, mon ami, pour avoir le chou, tu as le chou. » Ce à quoi le grand guide répliqua « Mon cher Boris, mes ingénieurs travaillent à élaborer une vodka à base de chou, et s'ils y arrivent, je te promets sur la tête de mon fils que nous la baptiserons la Lomakhine. » Les deux hommes éclatèrent d'un rire tonitruant et se remirent à faire la fête de plus belle. Autre folie de Ramiz Imadedinov. Lors du renouvellement du Majalis, le parlement local, le Void fit inscrire, dans le programme de son parti, l'installation d'une arche de Noé en Mongolie, aux confins du Tokaristan. Il donna l'ordre de construire un parc zoologique dans le désert d'Oust-Doust, au sud-est d'Arsikouchi. Ce zoo devait accueillir 300 espèces d'animaux, dont des pingouins. Il en coûta plusieurs millions de dollars, car les animaux devaient pouvoir y vivre dans des conditions proches de leur milieu naturel. La gageure de faire cohabiter les hippopotames et les pingouins ne put être relevée. Cet échec ébranla le grand homme. Pour beaucoup, le malaise dont il fut victime au retour de la visite de son arche vint pour partie de l'aspect souffreteux dans lequel il trouva les bêtes ce jour-là. Le Void, soucieux de préserver et favoriser l'épanouissement authentique de la culture et des arts nationaux tokariens, prit une série de lois. Son obsession de défendre les valeurs traditionnelles contre l'influence négative de l'étranger ouvrit la porte à l'instauration, quelques années plus tard, d'une république islamique. Ramiz Imadedinov, l'âge venant, commença par interdire tous enregistrements musicaux. Amateur de mélodies populaires, il ordonna que les seuls airs joués en public soient le makam. Il faut savoir qu'à la fin du XVIe siècle, Arsikouchi était une capitale cosmopolite où s'était développé un art de cour raffiné, le makam. Cet art traditionnel consistait en une suite orchestrale chantée, composée de différentes pièces vocales, cousine du mukam ouïghour. Après un prélude instrumental, un soliste ou un petit groupe d'interprètes chantaient des poèmes soufis classiques. Imadedinov assistait fréquemment à des concerts dont le programme comportait des odes à sa gloire, dont il avait parfois lui-même écrit les paroles. Les chanteurs les plus méritants recevaient des mains du tashkir, des gratifications allant jusqu'à 5 000 $. Dès la fin de la période soviétique, il fit interdire aux femmes du Tokaristan la mini-jupe et le pantalon. Les hommes se virent obligés de porter la djellaba le vendredi jour de la prière, le couvre-chef national orné de broderies, la cravate le dimanche, jour du soleil. Les minorités ethniques comme les Russes et les Arméniens durent également se plier à ces nouvelles pratiques. Voilà le pays dans lequel Yusup Ramazanovitch Imadedinov prit pied lorsqu'il revint trouver son père au Tokaristan. Nommé général en chef de la garde présidentielle, il commença à agir comme ministre de l'Intérieur et des Cultes avant d'être élu président. Très vite, il apparut comme un meneur incontesté et disposa de fanatiques dévoués à sa cause. Pour tous ceux et toutes celles qui allaient mourir pour lui et pour Allah, il était bien plus qu'un chef d'État, un leader coutumier ou un libérateur. Il était l'émir, celui qui débarrasserait le Tokaristan du joug russe, mettrait fin au règne des infidèles, instaurerait la République islamique et appliquerait la charia. Parfois, quand il prêchait, le vendredi dans le centre culturel islamique attenant à la mosquée, tous les hommes se demandaient s'ils n'avaient pas en face d'eux le Mehdi, le guide éclairé par Dieu. Yusup Imadedinov se voyait comme l'hérité de Gengis Khan, de Batou, de Feofar Khan, d'Ablaï Oukhov. Il appartenait à cette lignée de mythiques touraniens qui, depuis la nuit des temps, avaient pour devoir sacré de réveiller l'univers et de poursuivre la conquête de l'Ouest jusqu'à parvenir un soir au pied du lit où le soleil se couche. L'anti-griffon tapis et glapissant dans ses gènes réclamait de lui une offrande. La créature fabuleuse exigeait qu'il s'abreuve du sang impur des Russes, qu'il étaille en charpie jusqu'au dernier de ses griffes acérées. Mikhaïl Fiodorovitch Lyapunov, les dynasties assassines.